Oui, il fait froid pour juin. Et en hiver, il y a beaucoup moins de neige aussi. On se fume un pétard?